Et pour l'heure, on écoute Histoire vivante sur la première. Passez une belle après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 17 années plus tard, à l'heure des huiles solaires et autres onguents estivaux, nous vous invitons à replonger dans les eaux fraîches des archives. Que furent donc les premiers émois d'Histoire vivante au temps révolu de la bande magnétique et du montage au ciseau? Ah, comme on riait en ce temps-là, si jeune, si naïf, si plein d'espoir, sans entrevoir le crépuscule des sombres soirs à venir. Désormais, tout a changé. Bon, on ne sait pas si c'était mieux avant, en tout cas, ça donnait ça. Le monde est certainement en train de vivre un de ces moments les plus dramatiques, un de ces moments où on entend battre le cœur de l'histoire. Moi, j'ai été blessé deux fois. Et à un moment, j'ai repris connaissance, il parlait plus la même langue, quoi. J'étais chez les Chinois. Cette semaine, la Corée. Je pense que le débarquement d'Incheon a été la phase essentielle, sinon une des phases essentielles de la guerre de Corée. D'une guerre fratricide à une réconciliation en impasse, l'entrée en scène de la guerre froide. More than ever before against this kind of sneak attack. Finalement, presque plus que la guerre, ce sont les conditions physiques qui ont été très dures en Corée. Drôle de surnom que ce pays du matin calme. Entre les Japonais qui colonisèrent la Corée pendant plusieurs décennies et la guerre ouverte qu'entame dès le début des années 50 le Nord et le Sud, l'impression de calme reste plus que précaire. Ainsi, la Corée du Nord de Kim Il-sung, armée par les Soviétiques, a-t-elle forcé le 38e parallèle, franchi la ligne pointillée qui la sépare du Sud et ses troupes de fondre sur une armée sud-coréenne submergée par la vague communiste? Nous évoquions hier le curieux soutien des Américains. Ils envoient 400 soldats sans entraînement au casse-pipe qui résistent héroïquement dans une petite poche du sud-est de la Corée avant que ceux-ci ne soient rejoints et soutenus par les armées des Nations Unies, anglais, turcs, français, etc. Au total, plus d'une quinzaine de nations qui retournent la situation militaire et imposent aux forces nord-coréennes une succession de sanglantes défaites. Mais une victoire, sinon facile, tout au moins très rapide, peut parfois aveugler, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la campagne folle d'un général de légende. Chapitre 1. Portrait d'un géant. Parmi les hautes figures militaires américaines qui se sont distinguées au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Eisenhower, les Patton, Nimitz et autres Bradley, il en est une qui se hisse dans un registre assez différent, c'est celle de Douglas MacArthur. Il a servi principalement en Extrême-Orient avant la Seconde Guerre mondiale, puis a résisté, mais en vain, à l'avancée des Japonais dans le Pacifique. Il est devenu commandant en chef des forces alliées dans le Pacifique Sud. Il a mené la reconquête des Philippines jusqu'à obtenir la reddition du Japon en 1945. Commandant des troupes d'occupation américaines au Japon, c'est donc en héros de la guerre qu'il prend en main le commandement de la toute première troupe de l'ONU pour cette bataille de Corée. Or, MacArthur a un plan. Jean Lartigue. Toute la machine de guerre américaine se remet en route et on remobilise les anciens de la guerre du Pacifique, on remobilise les étudiants et avec cette troupe qui lui est donnée, MacArthur qui avait le sens des débarquements, qui n'avait fait que des débarquements, sa guerre du Pacifique, il l'a gagnée par des débarquements, par des bonds d'île en île. Il fait à ce moment-là ce fameux débarquement à Incheon. Ce plan est extrêmement risqué. Le coup de poker est d'aller débarquer des troupes à 200 km au nord de la poche de Pusan, le petit réduit où se trouvent actuellement coincés les soldats américains. Donc d'aller à 200 km au nord, dans un endroit d'isolement complet, dans un but et un seul, prendre à rebours les troupes nord-coréennes. Dans le genre suicidaire, c'est assez emblématique. MacArthur, tout auréolé soit-il, est bien seul dans sa conviction. Il a alors ce trait de génie pour convaincre ses partenaires plus que réticents. Nous écoutons Fred Ladd. Depuis la Première Guerre mondiale, quand il devint un major général, Il déclarait que la Navy avait toujours été capable de faire ses preuves. Et il déclara alors, « Cela me brise le cœur de me rendre compte que la Navy n'est plus capable d'aider l'armée. » Eh bien, le chef des opérations navales, je crois que c'était Harley Burke, frappa du poing sur la table en lui répondant, « Général, nous irons à Incheon. » Et ils venaient tous de passer 2 heures à lui démontrer que c'était justement impossible. Et lui, avec ce discours dramatique et sa manière de parler d'une voix tellement basse, avait presque les larmes dans les yeux. Vous savez, il a dit, « Et maintenant que je me rends compte que l'armée ne peut plus compter sur la Navy, si je jetais vraiment un défi à la figure, mais d'une façon très douce, si bien que nous sommes allés à Incheon. » Le marin est un sentimental mille millions de mille sabords. Toujours est-il qu'Incheon n'est que la première étape d'une campagne insensée. Battle Hymn of the Republic. Hymne des troupes confédérées pendant la guerre de sécession. Interprété par la chorale Robert Shaw. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Of 100 circling camps, they have builded him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Opération Kremit. À minuit, ce 14 septembre, par une nuit noire de pleine lune, la troupe progresse en remontant tout le chenal du poisson volant qui mène à Incheon. Tout faisait éteint. Le chenal est étroit et soumis à des courants violents. Les dragueurs sont passés devant et se frayent un chemin entre les groupes d'îlots. Une quantité de navires de guerre participent à l'opération dans ces conditions précaires. À 5h20, tout le monde est au poste de combat, la force d'assaut amphibie pénètre dans les passes d'Incheon et le bombardement final préludant au débarquement commence. La la couverture d'artillerie est donnée par l'ensemble des bateaux, d'abord par les destroyers, puis par les croiseurs, et enfin par les navires de ligne tirant depuis le large des salves de buts de 406 mm. Les avions d'assaut décollent des porte-avions. À 6h30, le 3e bataillon débarque sur l'île escarpée de Wolmido, muni d'échelles en aluminium spécialement conçues. En 1h et 30 minutes, ils viennent à bout des défenseurs nord-coréens. À 7h09, une autre île, So-Wolmido, passe sous contrôle. Avec ces deux îles conquises, la force principale d'assaut se prépare à débarquer, mais compte tenu de la marée, les conditions ne sont pas favorables. Il faut attendre 17h30 pour que l'assaut principal sur Incheon soit mené. En moins de 24 heures, la zone de débarquement est sous contrôle et la poussée vers Séoul à l'intérieur des terres peut commencer. François de Castries, soldat français, appartenant aux forces de l'ONU pendant la guerre de Corée. Je pense que le débarquement d'Incheon a été la phase essentielle, sinon une des phases essentielles de la guerre de Corée. Il faut bien voir la situation à cette époque-là. Le corps expéditionnaire était bloqué dans le réduit de Busan et le général MacArthur a eu l'audace de regrouper les troupes qui venaient d'évacuer de la région des réservoirs, de les renforcer légèrement et d'aller débarquer à 200 km au nord, coupant ainsi les Nord-Coréens de leur base arrière et les faisant littéralement se fondre dans la nature. Chapitre 3. On remonte vers le nord. Les Sud-Coréens profitent donc de cette percée américaine pour reconquérir leurs terres, mais ce faisant, ils se lancent dans une chasse aux sorcières sans aucune pitié. Les hommes, jeunes ou vieux, qui sont repérés sans le costume militaire sud-coréen, sont immédiatement considérés comme espions communistes et exécutés sans autre forme de procès, mais de préférence, avec les mains liées dans le dos, par du fil de fer. Les soldats américains qui se trouvent à 200 km au sud depuis maintenant de longues semaines parviennent enfin à desserrer l'étau communiste et foncent retrouver le reste de l'armée américaine qui vient de réussir son débarquement. Le rythme de toutes ces opérations est exécuté à un train d'enfer. Walt Mayo. Nous avons alors foncé le plus vite possible à bord de nos véhicules. On ne s'arrêtait même pas la nuit. On a allumé les phares et pris des routes qui n'existaient même pas sur nos cartes, en se dirigeant avec les étoiles toujours en direction du nord. Et le lendemain matin, nous foncions toujours vers le nord pour arriver dans une ville à environ 45 km au sud de l'endroit où nous avons finalement retrouvé les forces qui avaient débarqué à Incheon. About 30 miles south of where we eventually linked up with the horses that had landed in Incheon. Onze jours après, Séoul est le décor d'affrontements impitoyables, les Nord-Coréens offrant une résistance acharnée. Malgré cela, les forces de l'ONU prennent le dessus. C'est là qu'un imperceptible incident éclate. Un lieutenant américain le raconte. Je crois que nous avons été les premiers à entrer dans Séoul et nous nous sommes emparés de ce qu'ils appelaient l'immeuble du gouverneur général qui était le siège du gouvernement. Nous avons commis l'effroyable erreur de faire monter le drapeau américain. Quelqu'un qui survolait les lieux a dû en faire part à MacArthur et nous reçûmes l'ordre de l'enlever pour y mettre celui des Nations Unies. Je crois qu'il devait s'agir d'un problème de politique internationale. Mais nos troupes n'ont pas apprécié du tout. Elles ont exécuté les ordres à contre-cœur. Oui, imperceptible et banal, car somme toute, pourquoi accorder une quelconque importance à une bannière flottant au milieu des ruines et des corps déchiquetés ? Eh bien, tout est là. Tout est là dans ce ridicule petit bout d'étoffe. C'est tout le symbole et la puissance que celui-ci dégage qui aura galvanisé le combattant. Or, en cette année 1950, pour la première fois dans l'histoire, les soldats sont désormais non plus les soldats d'une terre, d'un pays, mais les soldats de nations unies. L'ONU est une gamine de 5 ans et elle est encore loin d'avoir convaincu tout le monde. Chapitre 4. Bain de sang au pays du matin calme. Après le débarquement réussi de MacArthur, la prise de Séoul, l'offensive nord-coréenne est non seulement stoppée, mais elle vole en éclats. Démoralisées, les unités communistes tentent de profiter du couvert tourmenté de la chaîne montagneuse pour s'enfuir vers le nord, laissant derrière elles plus de 100 000 prisonniers dans cette guerre non déclarée. Ces prisonniers font en fait peu de vieux os en tant que prisonniers. Désormais, les Coréens ont mis les pieds dans le terrible engrenage de la vengeance fratricide. Le reporter de guerre Bert Hardy témoigne. En sortant de la gare de Busan, nous avons vu des masses d'hommes plus ou moins nus. Quand je dis « hommes », il y avait des adolescents de 16 ans et des vieillards de 60 ans. Tous accroupis, avec les mains liées derrière le dos et attachés ensemble. Et nous avons demandé « qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne nous a répondu. Nous avons donc pensé qu'il devait s'agir de prisonniers politiques, même s'il y avait des jeunes de 16 ans. Nous avons découvert qu'ils allaient probablement être fusillés sans aucune forme de procès. Nous sommes donc rendus au bureau de la Croix-Rouge en leur déclarant « il faut que vous fassiez quelque chose ». Et ils nous ont répondu « nous ne pouvons rien y faire, c'est le boulot des Nations Unies ». Nous sommes alors rendus au bureau des Nations Unies. Rien à voir avec nous, ça dépend des Sud-Coréens. Des Nations Unies qui soutiennent le régime nationaliste dur et répressif du Sud-Coréen Syngman Rhee, lequel bafoue les droits de l'homme. Quelques voix sont bien là pour s'élever contre cet état de fait, mais les Nations Unies, elles, ne réagissent pas. Elles ont une bataille décisive à gagner en Corée, leur toute première. Du côté adverse, les qualités humaines ne sont pas meilleures. Le même sort est réservé à tous les ennemis. Les charniers, qui sont alors découverts par les troupes alliées à mesure qu'ils remontent vers le nord, sont ceux d'hommes, jeunes ou vieux, dont les mains ont été attachées dans le dos avec du fil de fer. Un rescapé des exterminations communistes témoigne. Nous devions tous écrire des confessions. Puis les officiels nord-coréens choisissaient une personne et si sa confession ne leur convenait pas, il la tuait sur le champ, en la frappant à la tête avec un tuyau de fer. J'ai vu une fois trois personnes qui ont été tuées ainsi. Plus de 400 ou 500 d'entre elles écrivirent des confessions en indiquant qu'elles avaient tué des gens innocents. C'était le genre de document que les tribunaux nord-coréens utilisaient pour nous faire condamner à mort par la suite. Dans ce climat de violence à la fois réciproque et permanente, le sort des civils est désormais plus que précaire. Le prix d'une vie ne vaut plus grand-chose. Un soldat américain témoigne de sa propre et effarante métamorphose. Un tas de types achevaient les blessés nord-coréens. Et je me souviens m'être dit à moi-même avec quelle facilité certains deviennent rapidement des tueurs. Je veux dire que ça ne leur faisait ni chaud ni froid, n'y pensaient même pas. Et peu de temps après, moi-même, je devins quelqu'un qui leur ressemblait plus ou moins. Les journaux américains évoquent un nombre de morts ahurissant pour cette guerre de Corée, mais qu'importe, désormais on attend le retour des soldats après leur victoire. Cette attente va s'avérer prolongée. En effet, les directives de l'état-major général sont que les troupes des Nations Unies doivent, je cite, « détruire les forces armées nord-coréennes ». Mais où cette destruction doit-elle prendre fin? Jusqu'au pointillé, autrement dit jusqu'à la frontière séparant le sud et le nord de la Corée, ou au-delà du pointillé? Pour Douglas MacArthur, il n'y a aucune espèce d'hésitation, c'est dans son acception totale qu'il faut entendre cet ordre, détruire les forces nord-coréennes suppose donc bien franchir le 38e parallèle et entamer la bataille décisive contre les communistes. Do It Again par Marilyn Monroe. Marilyn, comme beaucoup d'autres artistes, a fait des tournées USO, ou Théâtre aux armées. Ce titre date de 1952. Oh, do it again. I may say no, no, no, no, but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, you won't regret it. Come and get it. Oh, no. Mama may scold me, 'cause she's told me it is naughty, but then, oh, do it again, please do it again. Chapitre 5. Quand on va vers le nord, il fait rarement plus chaud. Vous avez donné un tas de vêtements comme pour l'Indochine, enfin des shorts, des trucs très légers. En fait, quand on ne garde pas grand-chose, mais c'était pas non plus très chaud. Je croyais même qu'on avait des paires de skis qu'on ne pouvait pas utiliser parce qu'il y a quand même pas assez de neige en Corée. Donc, en plus, on n'était pas tellement entraînés pour ça. Et puis, on nous donne des fils jaquettes, c'est-à-dire des vestes imperméables. On a le pantalon de la même qualité de tissu. On nous donne des choupacs, des grosses des espèces de bibottes qui se lassent. Le haut en cuir et le bas en caoutchouc. Et on met des semelles de feutre épaisses, à peu près de ça, dedans. Et deux ou trois paires de chaussettes. Alors avec ça, c'est impeccable. Quand on nous les a donné, c'était formidable. Bon, mais seulement quand on a eu vraiment à nous en servir, on s'est aperçu qu'on n'avait pas de recharge et que les bons sens de chaussettes et chaussures, on les gardait au pied jour et nuit parce qu'on était en alerte. Et puis avec la transpiration et le froid dehors, on avait les pieds collés par la glace. Alors il y a eu évidemment pas mal de blessures. Le froid. Décidément, il semble que les déroutes militaires précédentes de Napoléon en passant par Hitler n'aient en rien servi l'instruction militaire. En 1950, le commandement des Nations Unies tombe dans le même panneau et envoie ses soldats se frotter au premier souffle du blizzard sibérien. Robert-André Vivien. On a eu deux hivers où en ligne, nous avions moins 40, moins 41. Ils reprenaient le combat de 1037. Vous voyez les camarades qui montent à l'assaut, qui sont blessés. Et blessés par moins 30 ou moins 35, c'est pas être blessé par 18 degrés. Mais nous avions, pour nous, la chance d'avoir un matériel américain nous isolant un peu du froid. Malgré tout, lorsque vous redescendez à moins 15, vous avez l'impression de mourir de chaleur. Mais vous aviez également la lourdeur et la touffeur à certains moments. Alors la pluie, les conditions climatiques l'hiver ou la chaleur l'été, les conditions d'isolement et le fait que, au point de vue combat, baroud proprement dit, c'est une suite de pitons. Un piton, c'est pas la plaine, c'est pas la Marne, c'est pas l'abri. Unanime, Jacques Dupont et Pierre Collard. Finalement, presque plus que la guerre, ce sont les conditions physiques qui ont été très dures en Corée, presque plus. Le froid présent, le froid permanent. Nous avions encore détenu 46. Des brodequins modèle français, modèle 17 ou modèle 40. Quelques parkas que nous avions échangés contre du rhum aux Américains ou que nous leur avions plus ou moins emprunté pour une durée indéterminée, à la française. Mais pratiquement, nous avions notre couvre-pied, notre couverture réglementaire, et il fallait dormir comme ça sous la guitoune. Moins 30, moins 40, nous les avons connus. Chapitre 6. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Dans la nuit du 25 au 26 novembre, les forces des Nations Unies subissent un terrible revers, devant faire face soudainement à des myriades de combattants. Les affrontements ont lieu de nuit, dans un climat proprement angoissant. Comment expliquer un pareil renversement ? Eh bien, cela fait déjà plusieurs jours que le général MacArthur transmet ses rapports à Washington, assurant qu'il ne croit à aucun moment à une possible réaction chinoise. Mais pour Pékin, l'irrésistible avancée des forces des Nations Unies qui patrouillent désormais en Mandchourie est la limite dépassée. Personne n'a vu venir les combattants chinois. Aucune reconnaissance aérienne n'a été en mesure de détecter l'arrivée nocturne des milliers de combattants chinois qui se sont approchés du terrain des combats. Ils ont emprunté les chemins les plus enfouis, mais ils sont désormais là. Et pour les Nations Unies, l'heure du cauchemar a désormais sonné. Combattant chinois. Je peux tout vous dire au sujet de la tactique de la vague humaine qu'en Chine nous appelons marée humaine. La plupart des étrangers ne peuvent pas comprendre comment ça fonctionne, mais la manière dont ça marchait était que si les communistes décidaient par exemple qu'ils voulaient que vous fassiez une certaine chose, atteindre un certain but, comme de prendre une montagne, ils s'en empareraient quel que soit le coût en vie humaine. Les vagues humaines vont tétaniser les soldats des Nations Unies. Avec le froid, elles participent à une transformation totale du moral des troupes. L'attaque chinoise, enfin les attaques chinoises, c'est inqualifiable, quoi. C'est je crois que nous avons eu 16 ou 17 vagues. Vous détruisez la première vague, et puis d'un seul coup, ça ressort, et puis ça continue, et puis derrière, et il y en a toujours. À la fin, Les munitions, on n'a plus le temps d'approvisionner, les canons sont rouges, et puis on est submergé. Mais la guerre de Corée est loin d'être terminée. D'autres rebondissements tragiques vont émailler cette guerre que beaucoup ont appelée la guerre oubliée. C'était Histoire vivante. Documentation et archives à la Radio Suisse romande, Janine Mamie. Programmation musicale, Yves Lenzi. Réalisation, Jérôme Nussbaum. Voix féminine et assistance à la production, Daniel Zacker. Une émission de Jean Leclerc. À demain pour d'autres chapitres. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc.